m'accompagnerai. Il cherche une fille qui voudrait m'embrasser. Il cherche une fille pour chanter et coucher. Il cherche une fille mais je suis un peu laid. Toi qui m'écoutes, l'auditrice sur ma route. Toi qui m'entends, l'auditrice qui comprend. Il cherche une fille qui ne boit pas et gentille. Il cherche une fille comme Céline ou Marie. Il cherche une fille de Romère et d'ennui. Il cherche une fille mais mes dents sont pourries. Toi qui m'écoutes, l'auditrice sur ma route. Toi qui m'entends, l'auditrice qui comprend. Bien pour la purée. Ah, en plus, j'ai faim. Mais toi aussi, tu me manques. Ta voix m'a manqué aussi. J'aime bien entendre, ça me rassure. Et sinon, regarde ce que je suis en train de faire. Bon, au moment même où je te parle.